les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1963, Marthe Robert composait pour les ondes de la radiodiffusion française une série de 28 émissions visant à présenter la vie et la pensée de Freud à travers un choix de textes lus par des comédiens. Après avoir, dans les 5e et 6e volets, évoqué l'importance de sa rencontre avec le neurologue Jean-Martin Charcot au cours du séjour parisien qu'il fit en 1886, les 7e et 8e épisodes de la série abordaient cette période fondamentale de la vie de Freud au cours de laquelle il s'intéressa à son tour à l'hystérie, puis mit au point les premières bases de la méthode psychanalytique en tant que telle. Deux épisodes qui sont aussi le récit de deux histoires d'amitié passionnelle qui, comme souvent avec Freud, se finirent mal. Celle qui l'unit au médecin Joseph Breuer, grâce à qui il découvrit les bienfaits de ce qu'ils appelèrent dans un premier temps la cure par la parole, puis son amitié avec Wilhelm Fliess, un médecin berlinois avec lequel il entretint pendant 10 ans une riche correspondance, témoignage précieux sur cette période de son existence. La révolution psychanalytique, 7e et 8e volet, première diffusion sur France 3 Nationale, les 26 janvier et 2 février 1963. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série. La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, René Farabet, Roland Ménard, Jean Muselli, dans L'hystérie. Le dimanche 26 avril 1886, jour de Pâques, on put lire dans un quotidien viennois l'annonce suivante. Le docteur Sigmund Freud, chargé de cours de neurologie à la faculté de Vienne, est de retour après un séjour de 6 mois à Paris et habite maintenant Rathausstrasse 7. Ainsi, Freud ouvrit son premier cabinet médical un dimanche, et par surcroît un dimanche de Pâques, le jour le plus chômé de toute l'année à Vienne. C'était assurément une singulière idée. Et puisqu'on cherche naturellement à tout expliquer dans cette vie apparemment prédestinée à l'explication, on s'est demandé ce qui avait bien pu la suggérer à Freud, dont les décisions pratiques étaient d'ordinaire mieux inspirées. Était-ce le souvenir de la vieille nourrice qui, le jour de Pâques, l'emmenait entendre la messe à l'église de Freiberg? Le désir de défier la société en bravant ses usages les mieux établis? Ou encore l'une des croyances superstitieuses à demi-avouées auxquelles Freud resta longtemps attaché en leur donnant avec plus ou moins de succès des explications rationnelles? Nous ignorons ce que représentait pour Freud cette date du 25 avril, mais vu son importance et sa solennité, nous croirons volontiers qu'il ne l'avait pas choisi sans intention. Longtemps, en effet, son projet d'installation à Vienne avait été une source d'hésitation et de doute. Avant de le réaliser, Freud avait envisagé toutes sortes de solutions. Émigration en Angleterre ou en Amérique, installation à la campagne ou dans une petite ville de province. Pour finir, il avait résolu de tenter sa chance dans la capitale, chose risquée pour un médecin sans fortune et qui ne pouvait compter sur de grands appuis. Un mois avant son mariage, il avait quitté son premier logement pour un appartement plus vaste, où au début les clients furent loin de se presser. Freud avait prévenu sa femme qu'ils auraient sans doute une vie dure, elle le fut en effet, et pendant quelque temps, les cadeaux de mariage prirent un à un le chemin du Mont-de-Piété. Dès midi, heure de la consultation, le jeune ménage attendait les malades qui avaient reçu le surnom irrévérencieux de nègre, par allusion à la caricature d'un journal humoristique où l'on voyait bâiller un lion en disant « déjà midi et toujours pas de nègre ». Peu à peu, cependant, les nègres furent envoyés par d'anciens maîtres de Freud ou des amis très proches, ceux-là même qui l'aidaient depuis longtemps de leur argent et de leurs conseils, de sorte que les terrifiantes fins de mois purent tout de même être honorées. Freud était installé en qualité de spécialiste des maladies nerveuses. Mais très vite, il s'aperçut que la neurologie telle qu'on la lui avait apprise ne pouvait pas grand-chose pour la majeure partie de ses malades. Ceux-ci, en effet, ne souffraient pas en général d'une quelconque lésion organique du système nerveux. C'était des nerveux, nous dirions aujourd'hui des névrosés, c'est-à-dire des gens qui encombraient toutes les branches de la médecine sans en relever à proprement parler d'aucune. Ces malades, singulièrement déshérités, allaient de médecin en médecin, essayaient en vain tous les traitements, lassaient tout le monde avec leurs souffrances et leurs plaintes. Or, Freud voulait vivre de sa clientèle. Il se dit que le meilleur moyen de réussir était de se montrer efficace là où ses confrères prenaient leur parti de leur impuissance. Ce désir de guérir paraît aller de soi de la part d'un médecin. Il faut croire pourtant qu'il n'était pas si banal, puisque Freud fut le premier dans son secteur à en faire la base de son effort scientifique. Trouvant devant lui une catégorie de malades qu'on ne lui avait pas appris à soigner, Freud se pencha sur eux avec l'attention et la curiosité dont Charcot lui avait donné l'exemple pendant son séjour à la Salpêtrière. Sans doute le maître français ne lui avait pas transmis la thérapeutique efficace dont il sentait maintenant le besoin. Du moins avait-il donné à l'hystérie une importance scientifique nouvelle, dont Freud pouvait se convaincre chaque jour qu'elle n'était pas toute théorique. Rentré de Paris bouillonnant d'idées et brûlant de les communiquer, il crut n'avoir pas de peine à en convaincre aussi ses confrères. Mais son premier contact avec la Société des médecins viennois lui fit vite perdre ses illusions. J'avais à faire un rapport sur ce que j'avais vu et appris chez Charcot. Mais je fus mal reçu. Des autorités telles que Bamberger, le président, déclarèrent que ce que je racontais n'était pas digne de foi. Meinert me somma de rechercher dans Vienne des cas d'hystérie masculine, analogues à ceux que je décrivais, et de les présenter à la Société des médecins. C'est ce que j'essayais, mais les médecins des hôpitaux dans lesquels je trouvais de pareils cas se refusèrent à me laisser les observer et m'en occuper. L'un d'eux, un vieux chirurgien, s'écria « Mais mon cher collègue, comment pouvez-vous dire de telles absurdités ? Hystérone veut dire utérus. Comment donc un homme pourrait-il être hystérique ?» J'objectai en vain que ce dont j'avais besoin était la possibilité d'observer le cas et non une approbation de mon diagnostic. Je découvris enfin, en dehors de l'hôpital, un cas classique d'hémagnesthésie hystérique chez un homme et je le présentai à la Société des médecins. Cette fois, je recueillis des applaudissements, puis on ne s'intéressa plus à moi. L'impression que les autorités compétentes avaient repoussé mes nouveautés demeura chez tous inébranlée. Avec mon idée de l'hystérie chez l'homme et l'affirmation que l'on pouvait produire des paralysies hystériques par suggestion, j'étais rejeté dans l'opposition. Comme bientôt après le laboratoire d'anatomie cérébrale me fut fermé et que pendant des semestres je n'eus plus de local où faire mon cours, je me retirai de la vie académique et médicale. Et depuis, je ne suis plus jamais retourné à la Société des médecins. L'échec de ce premier rapport, s'il ne brouilla pas Freud avec la Société médicale aussi radicalement qu'il crut s'en souvenir beaucoup plus tard, fut néanmoins décisif en ce qu'il l'obligea à travailler seul pour accomplir sa double tâche, soigner les étranges maladies qu'il avait sous les yeux, et pour ce faire, trouver coûte que coûte le moyen de les comprendre. Comme il lui fallait gagner immédiatement sa vie, il commença par soigner avec les maigres moyens thérapeutiques que lui offrait son temps. Mon arsenal thérapeutique ne contenait que deux armes, l'électrothérapie et l'hypnose. Car l'envoi dans un établissement hydrothérapique après une consultation unique n'était pas une source de gain suffisante. Je m'en rapportais, en ce qui concerne l'électrothérapie, au manuel de Herb, qui donnait des prescriptions détaillées sur le traitement de tous les symptômes des maladies nerveuses. Je devais malheureusement bientôt reconnaître que ma docilité à suivre ces prescriptions n'était d'aucune efficacité, que ce que j'avais pris pour des observations exactes n'était qu'un édifice fantasmagorique. La découverte qu'un livre signé du premier nom de la neuropathologie allemande n'avait pas plus de rapport avec la réalité que, par exemple, une clé des songes égyptienne telle qu'on en vend dans nos librairies populaires, cette découverte fut douloureuse. Mais elle m'aida à perdre encore un peu de la naïve croyance aux autorités dont je ne m'étais pas libéré. Je mis donc l'appareil électrique au rebut. Freud s'attacha dès lors principalement à l'hypnose, ce qui ne le réconcilia pas avec les psychiatres, pour qui l'hypnotisme était de la charlatanerie, et les magnétiseurs, comme on disait, une engeance des plus méprisables. À Paris, il avait vu Charcot se servir de l'hypnose pour créer des symptômes et ensuite les supprimer. Puis il eut connaissance des travaux de l'école de Nancy, qui employait la suggestion, avec ou sans hypnose, dans une intention thérapeutique. Tâchant de tirer parti de toutes les techniques, même des plus décriées, il s'écarta de plus en plus des maladies nerveuses organiques, en quelque sorte sans l'avoir voulu. Mais ce n'était pas une grande perte. Car, d'une part, la thérapie de ces états n'offrait en rien des perspectives satisfaisantes. Et d'autre part, dans la pratique privée du médecin établi en ville, le petit nombre des malades de cet ordre disparaissait au regard du nombre immense des névrosés, nombre encore multiplié par le fait que ces malades couraient d'un médecin à l'autre sans trouver d'aide nulle part. D'ailleurs, le travail au moyen de l'hypnose était fascinant. On éprouvait pour la première fois le sentiment d'avoir surmonté sa propre impuissance. Il était très flatteur d'avoir un renom de thaumaturge. Je devais découvrir plus tard quels étaient les défauts du procédé. On a sûrement remarqué au passage la courageuse franchise de Freud, qui montre au grand jour les mobiles intéressés sur quoi l'histoire de la science fait généralement un silence pudique. Il a cherché parce qu'il avait besoin d'argent et ne pouvait se passer du sentiment de sa propre puissance, deux choses qu'on trouve toujours, d'une manière ou d'une autre, à l'origine des grands accomplissements humains. Comme toute idée et toute science, la psychanalyse a eu des causes obscures, élémentaire, sans commune mesure, avec ce qui allait devenir son but. La seule différence avec les autres est qu'elle a été la première et, jusqu'à présent, encore presque la seule à l'avouer. Les imperfections de ses procédés thérapeutiques ne laissèrent pas de préoccuper Freud pendant ses premières années de pratique. Bien vite, il s'aperçut qu'on ne pouvait pas hypnotiser tous les sujets et que, chez ceux qui s'y prêtaient, l'état d'hypnose n'était pas toujours aussi profond qu'il eût été souhaitable. Aussi, pendant l'été de 1889, décida-t-il d'aller passer plusieurs semaines à Nancy pour parfaire son apprentissage. Je vis à l'œuvre le vieux et touchant Liébeau, auprès des pauvres femmes et enfants de la population prolétaire. Je fus témoin des étonnantes expériences de Bernheim sur ces malades d'hôpital. Et c'est là que je reçus les plus fortes impressions relatives à la possibilité de puissants processus psychiques demeurés cependant cachés à la conscience des hommes. Chez Charcot, Freud avait acquis la certitude que les troubles hystériques, contractures et paralysie par exemple, ne correspondaient pas à un secteur anatomique déterminé, mais à une image, à une représentation mentale du bras ou de la jambe par exemple. Dans une étude comparative des paralysies motrices organiques et hystériques, écrite et publiée en français, il dit que l'hystérie se comporte dans ces paralysies et autres manifestations comme si l'anatomie n'existait pas, ou comme si elle n'en avait nulle connaissance. Voici qu'à Nancy, Bernheim lui permettait de constater un autre fait capital. Les hystériques savaient, mais en quelque sorte à leur insu, des choses qui touchaient de près à la cause de leur maladie. Seuls, ils ne pouvaient ni retrouver, ni exprimer ce qui restait mystérieusement caché à leur conscience. L'hypnose ou la suggestion n'étaient que des moyens de provoquer ce rappel, mais alors, on se trouvait devant un irritant problème. Pourquoi certains sujets cédaient-ils à la suggestion, tandis que d'autres y restaient insensibles, ou ne cédaient jamais qu'à moitié ? Afin de m'instruire, j'avais amené une de mes patientes à me suivre à Nancy. C'était une hystérique fort distinguée, génialement douée, qui m'avait été abandonnée parce qu'on ne savait quoi en faire. Grâce à la suggestion hypnotique, je lui avais rendu l'existence possible. Et il était resté en mon pouvoir de la relever chaque fois qu'elle retombait dans son misérable état. Après quelque temps, toutefois, tout recommençait. et dans mon ignorance d'alors, j'attribuais ses rechutes au fait que son hypnose n'avait jamais atteint le degré de somnambulisme avec amnésie. Bernheim essaya plusieurs fois à son tour de la plonger dans une hypnose profonde. Mais il ne réussit pas mieux que moi. Il m'avoua franchement n'avoir jamais obtenu ses grands succès thérapeutiques par la suggestion que dans sa pratique d'hôpital et pas sur les malades qu'il avait en ville. J'eus avec lui beaucoup d'entretiens intéressants et j'entrepris de traduire en allemand ses deux ouvrages sur la suggestion et ses effets thérapeutiques. Freud n'en est pas encore à formuler des hypothèses sur la genèse de la maladie. Pour l'instant, il constate seulement que les hystériques se comportent comme s'ils n'avaient aucune connaissance de l'anatomie, ce qui n'est qu'un pas vers sa future conception du symbolisme des symptômes hystériques, et aussi qu'ils agissent comme s'ils étaient mus par des représentations cachées à leur propre conscience. De plus, il est extrêmement troublé par le caractère imprévisible, apparemment capricieux, des effets thérapeutiques qu'il lui arrive d'obtenir. Troublé, mais nullement découragé ou irrité, comme l'étaient visiblement la plupart de ses confrères. L'irrégularité de ses résultats et la nécessité de l'expliquer fut justement ce qui le poussa à continuer. On reconnaît ici le trait distinctif le plus fort de cette période si importante pour la maturation de ses idées. Une aptitude à tout accepter, à tout recevoir d'abord, sans rien rejeter a priori de ce qui pourrait peut-être le guider. De même qu'il se laisse pénétrer par les conceptions de Charcot et les deux ouvrages de Bernheim sur la suggestion, de même, il s'ouvre entièrement à l'expérience nouvelle que lui proposent ses malades. Cette réceptivité, autant affective qu'intellectuelle, si révolutionnaire au regard de l'attitude ordinaire des psychiatres, fut la grande chance du génie freudien. C'est à elle que Freud dut de recueillir et d'exploiter une trouvaille surprenante, faite non point par lui, mais par l'un de ses amis et confrères, le docteur Joseph Breuer, de 14 ans son aîné, avec qui il était intimement lié depuis longtemps. En septembre 1882, Breuer avait fait part à Freud des observations absolument inattendues qu'il avait pu tirer d'une cure en quelque sorte inédite, celle d'une jeune fille hystérique qu'il avait traitée pendant 2 ans et qui, selon lui, l'avait quittée à peu près guérie. Freud se passionna immédiatement pour ce cas, qui lui paraissait recéler de grandes possibilités nouvelles tant pour la thérapeutique que pour la théorie de la névrose. Il se fit lire l'histoire de la cure que Breuer avait transcrite en partie et, au cours des années suivantes, s'en occupa avec une passion bien plus vive que le principal intéressé, lequel, bizarrement, semblait plutôt vouloir l'oublier. Pendant son séjour à Paris, il en parla également à Charcot, dont l'intérêt pour une histoire aussi riche lui paraissait acquis d'avance, mais, contre toute attente, celui-ci n'opposa qu'indifférence à ses propos. L'histoire d'Anna O, devenue célèbre depuis dans les annales psychiatriques, recommença de préoccuper Freud au moment où, ayant affaire lui-même avec des cas analogues, il se trouva de plus en plus déçu par l'arsenal thérapeutique auquel il avait encore recours. L'électrothérapie était un leurre, l'hypnose n'était pas toujours praticable, la suggestion guérissait les symptômes et les faisait réapparaître selon une loi impénétrable. Aussi décida-t-il d'essayer la méthode dont Breuer lui avait parlé. Méthode empirique s'il en fut, créée moins par les idées théoriques du médecin que par le déroulement imprévisible de la cure et, chose toute nouvelle, par la collaboration intelligente de la malade. La ténacité dont Freud fit preuve en l'occurrence, malgré les singulières réticences de son ami, fournit à la psychanalyse son premier instrument et par là décida de son destin. Anna O, de son vrai nom Bert Pappenheim, a bien mérité sa célébrité scientifique, puisque c'est à elle, en fait, qu'on doit la méthode de Breuer, qu'elle appelait fort justement « cure par la parole » ou encore « ramonage de cheminée ». À l'époque de son traitement, c'était une jeune fille de 21 ans, extrêmement intelligente, géniale même, fort séduisante par surcroît, ce qui ne laissa pas de contribuer beaucoup à l'embarras de son médecin. Elle avait consulté Breuer, qui n'était pas psychiatre, pour une toux nerveuse, très pénible. Mais elle souffrait en outre de troubles aussi spectaculaires que variés. Tous apparus après la mort de son père. Paralysie de 3 membres, avec contracture et insensibilité, troubles compliqués du langage et de la vue, incapacité de se nourrir, etc. En outre, elle était susceptible de 2 états de conscience absolument distincts. L'un pendant lequel elle était normale. L'autre, où elle prenait le comportement d'une enfant insupportable et dissipée. La transition entre les deux états se faisait par une sorte d'auto-hypnose dont elle se réveillait parfaitement lucide avec des moyens intellectuels intacts. Ajoutons que pendant toute la durée de la cure, Anna O avait complètement oublié sa langue maternelle, l'allemand, et ne put s'exprimer qu'en anglais. L'usage de l'anglais lui était devenu si naturel qu'elle traduisait dans cette langue n'importe quel texte français ou italien sans aucune faute. La visite de Breuer ayant lieu le soir, à un moment où la jeune fille était lucide, elle prit l'initiative de raconter à son médecin tout ce dont elle avait souffert dans la journée, et aussi de lui décrire les terribles hallucinations après lesquelles elle se sentait soulagée. Un jour, elle lui conta en détail dans quelles conditions l'un de ses symptômes était apparu. Et, à la stupéfaction de Breuer, ce simple récit suffit à faire disparaître le symptôme en cause, comme par un enchantement de la parole. Anna O comprit immédiatement la portée de ce phénomène inattendu. Elle continua d'elle-même le ramenage de cheminée auquel Freud et Breuer donnèrent le nom savant de catharsis ou purgation de l'âme. Freud fut longtemps frappé des obscurités qui restaient dans l'histoire de la maladie, surtout en ce qui touchait la fin du traitement, de toute évidence un peu brusqué par le médecin. Que s'était-il passé ? Pourquoi Breuer montrait-il une telle répugnance à parler du cas ? Pourquoi surtout, avec une méthode thérapeutique aussi prometteuse, avait-il cessé complètement de s'intéresser à l'hystérie ? Freud ne put répondre à ces questions que lorsqu'il eut pénétré lui-même plus profondément dans le domaine obscur de la névrose. Mais même alors, il ne publia pas tous les détails qu'il avait pu apprendre par égard pour l'homme qu'il avait aimé et admiré si longtemps avant de voir en lui un ennemi de ses idées. Le secret de Breuer, qui est aujourd'hui le secret de Polichinelle pour les psychanalystes, a été révélé par Ernest Jones dans sa biographie. Freud m'a donné, des circonstances particulières qui entourèrent la fin de ce traitement, un récit plus détaillé que celui qu'il a inséré dans ses travaux. Il semble que Breuer ait eu à l'égard de son intéressante malade ce que nous qualifierions aujourd'hui de contre-transfert marqué. Quoi qu'il en soit, ce cas l'absorbait à tel point que sa femme se lassa de ne l'entendre parler que de ce sujet et, sans se l'avouer, en éprouva bientôt une jalousie qui la rendit triste et soucieuse. Préoccupé comme il l'était, Breuer mit longtemps à s'en apercevoir et à comprendre les motifs de cet état d'âme, qui provoqua toutefois en lui une violente réaction, imputable sans doute à un mélange d'amour et de remords. Il décida de mettre un terme au traitement et annonça sa décision à Anna O, dont l'état s'était beaucoup amélioré. Il prit congé d'elle. Mais le soir même, il fut rappelé et la trouva plus agitée, apparemment plus malade que jamais. Breuer avait toujours soutenu que sa cliente était asexuée. À aucun moment de son traitement, elle n'avait fait allusion à un sujet aussi interdit. Or, il la trouva cette fois en proie aux douleurs d'un accouchement hystérique, fin logique d'une grossesse imaginaire passée inaperçue et qui s'était produite en réponse aux soins donnés par Breuer. Bien que profondément bouleversée, celui-ci la calma en l'hypnotisant, puis, pris de sueur froide, quitta cette maison. Anna O, on s'en doute, était fort loin d'être guérie. Longtemps encore, ses troubles la firent souffrir, puis son état s'améliora peu à peu. Mais elle parvint à mener une vie active où elle put déployer son énergie et ses dons. Elle fut la première assistante sociale qui eut un poste en Allemagne et, paraît-il, l'une des premières dans le monde entier. Restée célibataire et croyante, elle se dévoua à la cause de l'émancipation féminine et parcourut l'Europe orientale pour porter secours aux enfants dont les parents avaient péri dans les pogroms. Quant à Breuer, on conçoit que l'hystérie fut devenue pour lui un sujet épineux, sur quoi il eut sans doute aimé faire le silence. 10 ans plus tard, à l'époque où Freud et lui travaillaient ensemble à l'étude de certains cas, il appela son ami en consultation pour une hystérique qui l'embarrassait. La simple description des symptômes suffit à Freud pour affirmer un fantasme typique de grossesse. Breuer ne put supporter la répétition d'une situation qu'il avait si gravement ébranlée. Sans dire un mot, il saisit sa canne et son chapeau et une fois de plus prit la fuite. Freud avait pourtant réussi à le convaincre de reprendre avec lui l'étude systématique de ce qu'il appelait alors la grande névrose. Il s'ensuivit une collaboration qui dura 5 ans, de 1890 à 1895, date à laquelle les deux hommes publièrent en commun leurs études sur l'hystérie. Le livre, que l'on considère généralement comme le premier ouvrage de la littérature psychanalytique, comprenait 5 histoires de malades, parmi lesquelles celle d'Anna O, magistralement présentée par Breuer, et 4 histoires présentées par Freud, où l'on peut suivre la lente évolution de sa technique. La méthode cathartique de Breuer, en effet, était bien loin de résoudre tous les problèmes. Elle exigeait l'emploi de l'hypnose, dont Freud se persuadait de plus en plus qu'il n'était pas toujours possible, ni peut-être même souhaitable. L'état d'hypnose paraissait bien dissimuler certains phénomènes, dont Freud commençait de soupçonner l'importance déterminante, ainsi ce qu'il appela le transfert, ensemble des mois violents, contradictoires et ambigus que le patient avait éprouvé jadis à l'égard de ses parents et qu'il reportait maintenant inconsciemment sur la personne de son médecin. Décidé non seulement à soigner, mais à élucider la nature profonde de la maladie, Freud renonça peu à peu à l'hypnotisme et, dans le 3e cas des études sur l'hystérie, le remplaça par une technique de concentration. Pour la première fois, il fut assez satisfait des résultats de ce procédé qu'il appela « analyse psychique » pour marquer son début d'autonomie. La patiente était allongée, les yeux fermés. Freud lui demandait de se concentrer sur un symptôme particulier et de tâcher de se rappeler tout ce qui pourrait en expliquer l'origine. Parfois, rien ne venait. Il appuyait alors la main sur le front de la malade en lui affirmant que certains souvenirs, certaines pensées, ne manqueraient pas de surgir. Quand elle se taisait, il répétait sa tentative jusqu'à ce qu'elle exprime ce qui lui était venu à l'esprit, ce qu'elle faisait en observant. J'aurais pu vous dire cela la première fois, mais je ne pensais pas que c'était ça que vous vouliez savoir. Persuadé que là était l'obstacle, Freud lui enjoignit de dire tout ce qui lui passait par la tête, sans choisir, ni préjuger, ni censurer ses pensées. C'était le premier pas vers la technique des associations libres, à quoi Freud fut conduit par la logique de ses observations et bien souvent par l'intelligente initiative de ses malades. Depuis longtemps, Freud avait accumulé les preuves du rôle important qu'il faut accorder aux facteurs sexuels dans la genèse des névroses. Il ne s'attendait pas à une pareille découverte et en fut d'abord très choqué. Sa répugnance fut même telle que tout se passa comme s'il avait oublié lui-même ses observations les plus probantes. Bien loin que sa théorie de l'étiologie sexuelle des névroses découlât d'une idée préconçue, elle était née d'une lutte contre ses propres préjugés. En ce qui me concerne, tout au moins, je ferai observer que je n'avais aucune idée préconçue touchant l'importance du facteur sexuel dans l'étiologie de l'hystérie. Les deux chercheurs dont j'étais l'élève quand je commençais à étudier ce sujet, Charcot et Breuer, étaient bien loin d'une pareille supposition. Au contraire, ils avaient une répugnance personnelle pour cette idée qui, au début, m'inspira les mêmes sentiments. Freud fut d'abord persuadé que sa découverte lui revenait entièrement. Mais ensuite, il se souvint de certains propos tenus par des médecins connus qui semblaient avoir eu une idée ou tout au moins une intuition analogue. Un jour, Breuer avait dit devant lui que l'hystérie avait souvent quelques rapports avec les secrets du lit conjugal. Une autre fois, il avait entendu Charcot dire à son assistant Brouardel que la chose génitale était toujours en jeu dans certains cas de troubles névrotiques. Un an plus tard, le célèbre gynécologue Schrobach lui avait confié une hystérique en s'exprimant plus crûment encore sur le même sujet. Il est vrai que 2 des médecins en question nièrent catégoriquement le propos, et que Charcot, lui eût-on demandé son avis, eût probablement fait comme eux. Jusqu'en 1895, Freud ne mit pas vraiment en avant ce qu'il considérait déjà pourtant comme une certitude. Ayant obtenu à grand-peine la collaboration de Breuer pour les études sur l'hystérie, il avait consenti que la sexualité eût dans l'ouvrage un rôle atténué. Non que Breuer refusa de la reconnaître, mais d'une part, le sujet touchait de trop près à une pénible expérience personnelle pour qu'il pût le traiter tout à fait franchement, et d'autre part, certaines conclusions de Freud lui paraissaient prématurées, trop exclusives, compromettantes scientifiquement parlant, d'où son attitude louvoyante, qui ne facilita pas la tâche des deux hommes et finit par gâter leur amitié. Il avait pourtant reconnu la réalité du transfert, ce phénomène qu'il avait si fort bouleversé dans ses relations avec Anna O, et dont Freud, maintenant, commençait d'entrevoir la valeur thérapeutique. Mais l'étiologie sexuelle des névroses continuait de le choquer. Il la défendit en public, mais avoua à Freud que malgré tout, il ne parvenait pas à y croire. Ainsi, l'amitié de l'élève et du maître, vieille de 20 ans, commença lentement de se refroidir pour finir par se ruiner tout à fait. Ce fut la première des brouilles retentissantes qui jalonnèrent le chemin de Freud et constituèrent au moins pour une part l'histoire de la psychanalyse. Les études sur l'hystérie furent assez mal accueillies dans les milieux médicaux, ce qui acheva de décourager Breuer, tandis que Freud s'armait de moqueries contre la sottise des critiques, un ennemi qu'il ne lâchera plus guère au cours de sa longue vie. Par une circonstance que nous retrouverons souvent plus tard, la seule critique intelligente du livre ne vint pas d'un savant, mais d'un écrivain et critique dramatique, dont le compte-rendu, intitulé « Chirurgie de l'âme », parut dans le plus important des quotidiens viennois. Alfred von Berger, qui enseignait l'histoire de la littérature à l'université de Vienne et devint plus tard directeur du Théâtre impérial, disait notamment « Nous pressentons qu'il deviendra un jour possible d'accéder au secret le plus profondément enfoui dans la personnalité humaine. La théorie elle-même n'est en fait rien d'autre que cette sorte de psychologie dont font usage les poètes. » Cette première critique marque une date dans l'histoire mouvementée des relations de la psychanalyse et de la littérature. Freud, qui écrivait dans Les études sur l'hystérie que ces histoires de malades tenaient plus du roman que de l'observation médicale, dut y trouver déjà une agréable compensation. Il ignorait encore que la littérature serait souvent son soutien le plus fidèle et parfois le seul. En 1896, la rupture avec Breuer est consommée. Un autre ami va prendre dans la vie de Freud une importance exclusive. Un ami dont il devra aussi se séparer dans des conditions dramatiques. Cette même année, il affirme catégoriquement l'étiologie sexuelle de l'hystérie et de ce qu'il appelle désormais les psychonévroses. Et pour la première fois, il donne à sa technique le nom de psychoanalyse, qui, notons-le pour la petite histoire de la langue, parut dans un texte écrit et publié d'abord en français. Voici un échantillon de ce français de Freud, auquel nous laissons ici son charme et ses fautes. Pour la deuxième classe des grandes névroses, hystérie et névrose d'obsession, la solution de la question étiologique est d'une simplicité et uniformité surprenantes. Je dois mes résultats à l'emploi d'une nouvelle méthode de psychoanalyse. Dérivée du procédé explorateur de Joseph Breuer, procédé un peu subtil, mais qu'on ne saurait remplacer tant il s'est montré fertile pour éclaircir les voies obscures de l'idéation inconsciente. Au moyen de ce procédé, qu'il ne faut pas décrire en cet endroit, on poursuit les symptômes hystériques jusqu'à leur origine, qu'on trouve toutes les fois dans un événement de la vie sexuelle du sujet bien propre à produire une émotion pénible. Remontant en arrière dans le passé du malade, de pas en pas, et toujours dirigé par l'enchaînement organique des symptômes, des souvenirs et des pensées éveillées, je suis enfin arrivé au point de départ du processus pathologique, et il m'a fallu voir qu'il y avait au fond la même chose, dans tous les cas soumis à l'analyse, l'action d'un agent qu'il faut accepter comme cause spécifique de l'hystérie. RTF France 3 National vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série. La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, René Farabet, Roland Ménard, Jean Muselli, dans L'hystérie. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 26 janvier 1963. Tout de suite, l'épisode suivant, diffusé la semaine suivante. Michel Bouquet, Jacques Degore, René Farabet, Jean Muselli et Roland Ménard dans « La naissance de la psychanalyse ». Freud a révélé dans la science des rêves ce qu'il avait guidé dans sa façon de nommer ses enfants. Il tenait à ce que leurs noms ne fussent pas choisis selon la mode du jour ou une tradition familiale, mais pour perpétuer le souvenir de personnes chères, généralement ses maîtres et ses amis. Cette règle, selon lui, faisait de ses enfants des revenants et le plaçait lui-même hors du temps périssable en lui conférant une sorte d'immortalité. C'était aussi, sans aucun doute, l'équivalent d'un acte de piété. De fait, Freud l'a suivi scrupuleusement pour ses 6 enfants. Il appela ses 3 fils Jean-Martin, en hommage à la mémoire de Charcot et non pas de Luther comme on l'a parfois prétendu, Olivier, en souvenir d'un des héros favoris de son enfance, Cromwell, et Ernst, pour rappeler son vieux maître Bruck, dont le nom, disait-il, lui resta cher toute sa vie. Bien qu'elles n'eussent pas des marraines aussi prestigieuses, ses filles elles-mêmes n'échappèrent pas à la règle. L'aînée, Mathilde, porta le nom de Madame Breuer, à qui Freud vouait une profonde affection. La seconde, Sophie, celui de Madame Panette, la femme de ce Joseph Panette, dont la silhouette passe de façon si obsédante dans la science des rêves. Et la cadette, Anna, celui d'une fille d'un professeur chez qui Freud, en son jeune âge, avait appris les écritures et l'hébreu. Au plus fort de ses relations passionnées avec Fliss, il avait décidé de donner le prénom de Wilhelm à son prochain garçon, mais il n'en eut pas, et malgré son enthousiasme pour son ami, il ne put se résoudre à appeler l'une de ses filles Wilhelmine. Les enfants représentaient donc pour Freud un trait d'union vivant entre l'amour, l'amitié et l'admiration que lui inspiraient certaines grandes figures. Plus tard, ses premiers disciples découvrirent qu'il les associait souvent dans ses rêves à la psychanalyse, dont l'avenir lui causa longtemps de graves soucis. Il disait d'eux qu'ils étaient sa fierté et sa richesse. Ce qu'à ses meilleurs moments il pensait peut-être, mais n'osait pas dire de son œuvre. L'amitié que Freud honorait ainsi dans la personne de ses enfants tenait effectivement une large place dans sa vie. Après son mariage, où il trouva la paix et la joie d'une paternité ardente, ce fut même la seule passion qui continua de le dominer. Et cela d'autant plus tyranniquement que, par nature, elle était toujours liée à sa recherche et à l'évolution de ses idées. Freud, semble-t-il, ne pouvait se passer d'aimer et d'admirer un homme à la fois proche de lui et supérieur, dont il attendait non seulement un soutien et une aide affectueuse, mais une sorte d'inspiration, un exemple propre à le stimuler. C'est ainsi que son admiration enthousiaste pour Ernst von Fleischl avait stimulé ses travaux à l'Institut de physiologie, et que Joseph Breuer, dont la bonté, l'intelligence et le courage moral étaient effectivement remarquables, avait inspiré ses premières découvertes sur l'hystérie. Toutefois, cette forme profonde d'attachement viril n'était pas le reliquat ordinaire de l'adolescence. Freud la conserva dans son âge mûr et l'éprouva encore dans sa vieillesse, quoique avec le temps, elle eût pris des traits plus paternels. Au moment qui nous occupe, elle était devenue si excessive qu'elle a probablement précipité, sinon provoqué, la naissance de la psychanalyse. Nous verrons bientôt comment. Comme toutes les passions, l'amitié de Freud était à la fois généreuse et injuste. Violente et outrée, féconde pour les deux parties et grosse de malentendus, voire de conflits. En outre, elle était intéressée, au sens noble comme au sens courant du mot. Freud, en effet, semble avoir eu besoin de devoir quelque chose à ses amis, et sa dette n'était pas seulement intellectuelle, car sa situation matérielle, toujours précaire et parfois désespérée, le contraignit souvent à accepter, si ce n'est à demander, une aide pécuniaire. Il a expliqué qu'au début, l'idée d'emprunter à ses amis lui était extrêmement pénible. Mais son vieil instituteur, Hammerschlag, lui-même très pauvre, avait réussi à le persuader qu'il n'y avait là rien d'humiliant, que l'aide matérielle de ses amis les plus proches n'était rien d'autre qu'une marque de confiance en ses futurs succès. Pendant des années, Freud eut donc pour banquier Fleischel, Panette et d'autres qui lui venaient régulièrement en aide. Mais son principal protecteur fut Breuer, qui pendant très longtemps lui prêta ou lui donna une certaine somme tous les mois. Qu'aucun d'entre eux n'ait compté sur un remboursement, c'est probable. En tout cas, Fleischel et Panette moururent avant que Freud n'ait pu s'acquitter. Et quand il se brouilla avec Breuer, il lui devait encore une somme énorme qui ajouta sans doute à son ressentiment. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que Freud se soit parfois jugé lui-même comme un schnorrer, ce parasite aimable et cynique qui fait inévitablement partie de la vie juive et qui, selon la tradition, paie son écho en mots d'esprit. On comprendra aussi que la singulière complicité des dettes et de l'amitié qui caractérisa longtemps ces relations forme l'un des thèmes les plus fréquents et les plus douloureux de la science des rêves. Nulle part, les sentiments de Freud ne se montrèrent aussi contradictoires, aussi extrêmes et déroutants que dans son amitié avec Wilhelm Fliess, qui dura 12 ans et finit elle aussi par une retentissante rupture. Le mot de passion n'est pas trop fort pour désigner cette extraordinaire inclination qui, pendant une longue période, fut au centre de la vie de Freud et détermina une fois pour toutes le cours de son œuvre. Une lettre datée du 1er janvier 1896, prise entre beaucoup d'autres analogues, suffit à en donner le ton. Des êtres comme toi ne devraient jamais disparaître. Nous manquons trop, nous autres, d'hommes de ton espèce. Quel remerciement ne te dois-je pas pour la consolation, la compréhension, l'encouragement que tu m'apportes dans ma solitude. Tu m'as fait saisir le sens de l'existence et dernièrement, tu m'as rendu la santé, ce que nul autre n'aurait pu faire. C'est avant tout ton exemple qui m'a permis d'acquérir la force intellectuelle de me fier à mon propre jugement et d'affronter comme toi, avec une résignation voulue, toutes les épreuves que me réserve peut-être la vie. Pour tout cela, accepte mes simples remerciements. L'homme que Freud remerciait en ces termes bouleversants exerça sur lui une emprise inouïe pendant plus de 6 années. Il l'entraîna dans une aventure extraordinaire, dont bien des aspects restent encore énigmatiques. Âgé de 40 ans, avec une partie de sa vie derrière lui, une femme qu'il aime et 6 enfants auxquels il est passionnément attaché, Freud en vient à remettre son sort entre les mains d'un homme qu'il juge génial, quoiqu'il lui fût probablement inférieur, et cela avec une telle exaltation que toute son existence est suspendue non seulement à l'affection, mais au désir, au jugement et aux idées de son ami. L'aventure dure trop longtemps pour qu'on puisse parler d'engouement, c'est bien plutôt une sorte d'envoûtement contre lequel les tentatives ordinaires de libération restent vaines. Freud n'en sortira qu'en risquant l'entreprise la plus audacieuse qu'un homme ait jamais tentée sur lui-même, sa propre analyse. Fliess vivait à Berlin, Freud à Vienne. Et bien que les deux hommes fissent l'impossible pour se voir souvent, l'essentiel de leur relation tenait dans une correspondance très intime où ils se livraient mutuellement le fond de leurs pensées. Ces lettres, qui révèlent sous un jour extrêmement dramatique la naissance de la psychanalyse, ont eu elles-mêmes une histoire mouvementée. Freud avait détruit celle de Fliess. C'est par un concours de circonstances compliquées et bien malgré lui que les siennes ont été conservées. Quelques années après la mort de Fliess, en 1928, sa veuve vendit à un libraire berlinois les 284 lettres de Freud, ainsi que les notes et les manuscrits qui les accompagnaient. Madame Fliess, sachant que Freud détruirait les lettres si elles lui tombaient entre les mains, mit au marché la condition expresse que le libraire ne devrait en aucun cas les lui remettre. Celui-ci, chassé par le régime nazi, se réfugia quelque temps à Paris et offrit les documents à Marie Bonaparte, qui les racheta immédiatement au prix de 100 livres sterling. De retour à Vienne, où elle était à ce moment-là l'élève de Freud, Marie Bonaparte l'informa de cette acquisition providentielle et même lui lut quelques lettres pour le convaincre de leur intérêt scientifique. Freud fut indigné par la façon dont le marché s'était conclu et tenta de racheter une partie des lettres afin d'avoir le droit de les détruire. Mais Marie Bonaparte eut le courage de lui tenir tête. Elle parvint à conserver les documents et à les préserver de la destruction à travers toutes les tribulations de la guerre. Ce n'est qu'après la mort de Freud qu'ils arrivèrent enfin en Angleterre, où Anna Freud et Ernst Chris commencèrent de les dépouiller. Les lettres de Freud ne nous font connaître qu'imparfaitement la personnalité de Fliss. Elles laissent pourtant entrevoir un esprit intrépide, capable de vastes spéculations, et, semble-t-il, très sûr de lui. Un homme certainement séduisant, impressionnant par ses connaissances scientifiques et la richesse de sa culture littéraire, mais tendant à la démesure et tellement entiché de ses idées que rien n'en pouvait faire démordre. Formé à l'école libérale de Berlin, sans les préjugés ordinaires des médecins viennois, il représentait sans doute pour Freud toute la largeur de vue qui lui manquait à Vienne. Fliss n'était pas psychiatre, mais otorhinolaryngologiste. Toute sa vie, il exerça à Berlin, où, contrairement à Freud, il avait une grosse clientèle. Cependant, sa spécialité n'était que le pivot de ses larges vues médicales et scientifiques, qui l'entraînaient bien au-delà du domaine de la médecine, dans celui de la biologie. En cela, déjà, il se rapprochait de Freud, qui lui aussi ne s'était jamais tourné vers la médecine que pour atteindre d'autres buts. Sans entrer dans le détail des théories mi-sérieuses, mi-extravagantes, par quoi Fliss se fit un nom, il faut pourtant en dire deux mots, car il touche de près au problème ardu que Freud, à cette époque, tâchait précisément de résoudre. Fliss est connu principalement par deux conceptions qui n'ont plus guère de crédit aujourd'hui, mais furent quelque temps fort discutées. L'une a trait à une nouvelle entité clinique, qu'il appela névrose nasale réflexe. L'autre est la célèbre théorie des périodes, qui ne relève sûrement pas de la biologie exacte qu'il rêvait de fonder, mais bien plutôt de la mystique, si ce n'est de la psychopathologie. Le syndrome de la névrose nasale réflexe consistait en trois sortes de symptômes différents. Des migraines, des douleurs névralgiques largement réparties de la région cardiaque à la région lombaire, des bras à l'estomac, et enfin des troubles fonctionnels principalement digestifs, cardiaques et respiratoires. Fliss avait découvert qu'il pouvait faire disparaître tous ces symptômes en appliquant de la cocaïne sur la muqueuse nasale. Il en déduisit que, quels que fussent leur nombre et leur diversité, ils étaient homogènes et ne devaient leur existence qu'à une seule zone, le nez. L'étiologie de la névrose nasale réflexe était double. Elle pouvait être soit organique, due par exemple à un état infectieux, ou fonctionnelle, et la cause était alors à chercher dans des troubles vasomoteurs d'origine sexuelle. Dans ce dernier cas, le syndrome de Fliss ressemblait à celui de la neurasthénie que Freud rangeait parmi les névroses dont l'origine n'était pas psychique, mais liée à une mauvaise hygiène de la vie, en particulier de la vie sexuelle. Quant à la théorie des périodes, elle avait pris naissance dans la prétendue observation d'une analogie entre la zone des organes génitaux féminins et celle du nez. Passionné par le problème de la menstruation, qui lui suggéra une incroyable profusion d'idées, Fliss en vint à imaginer que la périodicité était la loi fondamentale de toutes les activités vitales de l'être humain, de l'animal et même de l'univers entier. Voici comment il exposait ses idées. L'hémorragie menstruelle de la femme est l'expression d'un processus qui affecte les deux sexes et dont l'apparition n'est pas liée à la puberté. Les faits observés nous apprennent en outre qu'à côté du phénomène menstruel qui se reproduit tous les 28 jours, existe un autre groupe de phénomènes périodiques se produisant tous les 23 jours et auxquels sont soumis les individus de tous âges, à quelque sexe qu'ils appartiennent. Fliss voit un rapport intime entre ces processus périodiques et les caractères sexuels féminins et masculins, ce qui, selon lui, prouve sans conteste sa théorie de la bisexualité de l'être humain et autorise des conclusions hardies. Cette connaissance, une fois acquise, donne à penser que le développement de notre organisme se produit par saccades au cours de ces périodes sexuelles et que du fait de ces dernières, le jour de notre mort est tout aussi déterminé que celui de notre naissance. Les troubles dus à la maladie sont soumis aux mêmes lois que les phénomènes périodiques eux-mêmes. La mère transmet ses périodes à son enfant, et suivant la première période transmise, détermine le sexe de celui-ci. Les périodes continuent ensuite chez l'enfant et se poursuivent suivant le même rythme à travers les générations. Pas plus que l'énergie elle-même, elles ne peuvent être recréées. Leur rythme ne se modifie pas tant que des êtres organisés continuent de se reproduire sexuellement. Ces rythmes n'intéressent pas seulement l'espèce humaine, mais aussi les animaux, et sans doute l'univers organisé tout entier. L'étonnante précision avec laquelle se maintient l'intervalle de 28 ou 23 jours, selon les cas, laisse supposer qu'il existe un rapport étroit entre les conditions astronomiques et la création des organismes. Ni Freud ni Fliss ne semblent s'être douté que l'idée de la bisexualité, bien loin qu'elle fût neuve, avait préoccupé plus d'un esprit avant eux. Fliss s'en croyait l'inventeur et y tenait énormément. Quelque temps plus tard, il reprocha publiquement à Freud, dans un article presque diffamatoire, d'avoir divulgué sa découverte à l'un de ses élèves et d'avoir ainsi trahi son secret. Notons que Freud ajouta longtemps foi à la théorie des périodes et qu'il tenta, sans grand succès d'ailleurs, de s'en servir dans ses propres travaux. Ainsi, il essaya d'expliquer par les périodes de 28 et de 23 les distinctions à établir entre la neurasthénie et la névrose d'angoisse. Et il se mit en tête que la somme des deux chiffres fatidiques, 51, lui donnait la date exacte de sa mort. À l'époque où Fliss, qui tombait de plus en plus dans une mystique confuse des nombres, étendit ses calculs au cosmos tout entier, Freud alla jusqu'à saluer en lui le Kepler de la biologie. Les deux hommes avaient lié connaissance en 1887, par l'entremise de Breuer, du reste, lors d'un voyage d'études de Fliss à Vienne. À ce moment, Fliss n'avait encore rien publié et Freud ne faisait qu'aborder le problème de l'hystérie. Ils étaient donc dans une situation comparable, tous deux bouillonnants d'idées et impatients de faire leurs preuves. Ce n'était d'ailleurs pas leur seule ressemblance. L'un et l'autre appartenaient à la petite bourgeoisie juive, l'un et l'autre étaient sans fortune. Mais Fliss devait, peu après, faire un riche mariage. En marge de la pensée médicale de leur temps, pourvu d'une même solide culture classique et de goûts semblables sur bien des points. À cela s'ajoutait une orientation scientifique commune, bien propre à susciter une sympathie mutuelle. Fliss, en effet, était un disciple de l'école de Helmholtz, dont le maître de Freud, Ernst Bruch, passait pour être l'ambassadeur à Vienne. Ce n'est pas sans raison que Freud a fait une fois en rêve un jeu de mots significatif sur le nom de Bruch. Le vieux savant était effectivement un pont entre Vienne et Berlin, comme entre lui-même et son nouvel ami. La pensée scientifique de Freud, nous l'avons dit, se rattachait à une doctrine physiologique solidement établie sur les sciences physiques, qui par là même tendait de façon idéale à une mensuration de tous les phénomènes. Cette physiologie, qui devint le point de départ des théories psychanalytiques, était aussi celle qui inspirait Fliss dans sa recherche d'une science biologique exacte, comme il l'appelle dans le sous-titre d'un de ses ouvrages. Il y avait là une base solide de collaboration et, pour Freud, l'espoir de voir confirmer ses propres intuitions par un savoir étendu qu'il n'était pas, quant à lui, sûr de posséder. L'intérêt était réciproque, car si Freud, par exemple, pouvait trouver un rapport direct entre la théorie de la névrose nasale réflexe et le problème du diagnostic différentiel des troubles hystériques et somatiques, problème qui depuis son séjour à Paris n'avait cessé de le passionner, Fliss, de son côté, ne pouvait qu'être attiré par les idées de Freud qui s'efforçait de conserver un lien entre les conceptions de la psychologie et celles de la physiologie et de la physique. Toutefois, la part des deux savants dans cet échange d'idées était fort inégale. Fliss se conduisait comme s'il pouvait s'en passer, tandis que Freud fut longtemps convaincu qu'il était le seul à y gagner. Il est certain aussi que Freud fut exalté par le courage du médecin berlinois, qui, bien loin de rejeter la sexualité, la mettait au centre de sa pensée. Après la déception que lui avait causée la pusillanimité de Breuer, cette liberté d'esprit qui tranchait si fort sur la mesquinerie viennoise, lui redonna foi dans son vieil idéal de collaboration et d'amitié. C'est d'ailleurs quand Breuer fut tout à fait sorti de sa vie que ses relations avec Fliss prirent leur accent le plus passionné. Les premières lettres de Freud restent un peu guindées. Bien que, poussé par un intense besoin de rompre son isolement scientifique, il y parle librement de ses idées, de ses hypothèses les moins solides et des obstacles qui se lèvent sur son chemin. Peu à peu, cependant, le ton devient plus familier. Les deux hommes se tutoient et s'appellent par leur prénom, ce qui n'arrivera plus guère à Freud par la suite, tandis que leur correspondance s'amplifie. Bientôt, les lettres ne leur suffisent plus, ils décident de se rencontrer seul à seul pour échanger à fond leurs idées et donnent à ces rencontres le nom mi-sérieux, mi-ironique de « congrès ». Les congrès ont lieu d'abord à Vienne et à Berlin, puis ils se transportent de plus en plus souvent dans une ville neutre, en quelque sorte, à Munich, à Dresde, Salzbourg, Nuremberg, Breslau, à Ausy, Innsbruck, après le dernier congrès qui eut lieu en 1900 dans le Tyrol, Freud et Fliss ne se rencontrèrent plus jamais. Entre 1890 et 1900, les lettres montrent l'importance de plus en plus envahissante que prennent les congrès dans l'existence personnelle de Freud. Au début, manquer une rencontre avec Fliss lui inspire seulement de très vifs regrets. Cher ami, je suis vraiment navré de devoir vous annoncer que je ne pourrai pas aller à Berlin. Ce n'est ni le séjour dans cette ville, ni le congrès que je regrette, mais le fait de ne pas vous rencontrer. Bien à contre-cœur, car j'espérais tirer grand profit de notre rencontre. Quoique satisfait, heureux même, si vous voulez, pour le reste, je me sens cependant très isolé, scientifiquement engourdi, apathique et résigné. Notre conversation, la bonne opinion que vous sembliez avoir de moi, m'ont redonné foi en moi-même. La pensée de votre confiante énergie n'a pas été sans m'impressionner. J'aurais voulu aussi profiter de notre rencontre au point de vue professionnel et peut-être aussi bénéficier de l'ambiance de Berlin. Depuis des années, je suis privé de tout enseignement et obligé de me cantonner presque exclusivement dans le traitement des névroses. Je ne voudrais pas que le fait d'avoir laissé votre lettre sans réponse et maintenant de refuser votre si cordiale invitation puisse vous décourager. Pour me faire sentir que je ne risque pas de perdre votre amitié, laissez-moi espérer que nous pourrons passer quelques jours ensemble. Quelques années plus tard, il attend un prochain congrès avec la joie de quelqu'un qui va enfin assouvir sa faim et sa soif. Après une rencontre à Nuremberg, il se trouve dans une continuelle euphorie et travaille comme un jeune homme. Un jour, n'ayant pu venir à un rendez-vous, il explique à Fliss ce que signifie pour lui cette abstinence. Après chacun de nos congrès, je me sens réconforté pour plusieurs mois. De nouvelles idées ont jailli, mon dur travail m'a été une nouvelle joie, et mon espoir intermittent de me frayer un chemin dans la jungle s'est mis à luire, ferme et brillant. Cette période d'abstinence ne m'apprend rien que je n'ai toujours su, l'importance pour moi de nos rencontres. Ou encore, il fait l'aveu de sa dépendance absolue à celui qu'il regarde comme le juge suprême de ses écrits. Sans public, je suis incapable d'écrire, mais je suis parfaitement satisfait de n'écrire que pour toi. Faute de connaître les lettres de Fliss, on ne peut guère apprécier la valeur de son jugement sur les travaux dont Freud lui envoyait les manuscrits. Celui-ci ne la mettait pas en doute. Un éloge le rendait fou de joie, une critique le désespérait. On peut toutefois supposer que, lorsque Freud en vint à relâcher les liens de sa psychologie avec la physiologie et la physique, au moment où il découvrit la sexualité infantile, par exemple, Fliss eut quelque mal à le suivre dans une voie si éloignée de la sienne. Sur un point, au moins, il semble avoir été un critique fort compétent. C'est en ce qui touche le style et la composition littéraire de Freud, pour lesquels il montre de grandes exigences. Ses suggestions et ses critiques dont Freud tenait compte sont certainement la part la plus positive de son influence, si contestable à maint égard. La littérature joue d'ailleurs un grand rôle dans la correspondance des deux hommes, qui avaient bien des goûts communs et s'enthousiasmaient souvent pour les mêmes œuvres. Freud citait sans cesse Shakespeare à son ami et lui recommandait la lecture de Kipling. Fliss, de son côté, lui fit connaître l'œuvre de Conrad Ferdinand Meyer, le grand écrivain suisse. Freud garda toute sa vie une prédilection pour cet auteur, qui, le premier, lui suggéra d'appliquer l'analyse à une œuvre littéraire. Il s'agissait d'un récit, La femme juge, dont il envoya à Fliss une interprétation évidemment incomplète, mais dont le style a déjà tout l'attrait de ses futurs essais esthétiques. D'une manière générale, cette correspondance fournit une foule de renseignements irremplaçable sur la vie de Freud pendant ces 10 années qui, à bien des égards, représentent une grave crise. Freud y parle de sa famille, rapporte les menus gestes de ses enfants, ses succès ou ses déboires avec ses rares malades, les incidents marquants de sa journée ou encore les péripéties de ses voyages. On le voit évoquer les moments fort pénibles où, sur l'injonction impérieuse de Fliss, il tentait de se déshabituer du tabac et renoncer à ses chers cigares, puis sa passion pour l'archéologie qui prit beaucoup d'ampleur avec le temps et que Fliss, moins fasciné que lui par le passé, désapprouvait comme une activité inutile. Les deux amis discutent aussi avec flamme des événements politiques du moment. L'affaire Dreyfus les met hors d'eux, Zola les tient en haleine. « Quel brave homme !» dit Freud, « avec lui on pourrait s'entendre !» Mais rien ne l'agite plus que les élections au conseil municipal de Vienne, où les libéraux mènent une lutte acharnée contre le leader du parti chrétien social, le docteur Karl Lueger, un antisémite invétéré que Freud n'était pas loin de considérer comme son ennemi personnel. À trois reprises, au cours des années 1895-1896, Lueger fut élu maire de Vienne, mais son élection ne fut entérinée par l'empereur qu'en 1897. Il resta à son poste jusqu'à sa mort en 1910, de sorte que Freud, qui ne votait que lorsque les libéraux présentaient un candidat, n'eut pas la joie de voir sa défaite. Il nous reste maintenant à savoir comment Freud se libéra de l'extraordinaire esclavage sentimental et intellectuel où Fliss l'avait tenu pendant 10 ans. En 1896, son père était mort, et cet événement, bien peu dramatique en soi, vu le grand âge du vieillard, provoqua en lui un ébranlement tellement profond qu'il fut amené à en rechercher les causes. Au cours de l'été 1897, il décida d'appliquer à son propre cas la technique d'investigation qu'il employait avec ses malades. C'était une tâche douloureuse, plus périlleuse qu'il ne l'avait imaginée, qui demandait non seulement du courage, mais encore une sorte d'ascèse. Freud mit longtemps à s'apercevoir que si Fliss la stimulait, c'était aussi lui qui l'empêchait de la mener jusqu'à ses dernières conséquences. Un jour de 1900, il constata que malgré son ardent besoin de voir Fliss, un sentiment obscur le poussait à éviter la rencontre. Et tristement, il le lui dit. Je n'ai jamais éprouvé aussi profondément ni avec autant de persistance que pendant ces 6 derniers mois le besoin de vivre dans le même lieu que toi et les tiens. J'ai traversé, tu le sais, une crise intérieure profonde, et quand nous nous rencontrerons, tu pourras voir combien elle m'a fait vieillir. C'est pourquoi j'ai été très ému en apprenant que tu proposais une rencontre à Pâques. Quelqu'un qui ignorerait l'art subtil d'interpréter les contradictions trouverait incompréhensible que je n'accepte pas d'emblée cette proposition. En réalité, tout laisserait supposer que je veux t'éviter. Il ne s'agit pas seulement de ma nostalgie presque enfantine du printemps, d'une nature plus belle. Tout cela, je le sacrifierais bien au plaisir de t'avoir 3 jours auprès de moi. Mais il y a d'autres motifs intérieurs, faits d'une masse d'impondérable qui pèse lourdement sur moi. Je me sens intérieurement très appauvri. J'ai été obligé de démolir tous mes châteaux en Espagne, et c'est seulement maintenant que j'ai un peu de courage pour les reconstruire. Tu m'aurais été d'un secours inappréciable pendant cet écroulement catastrophique. Au stade actuel, je serais à peine capable de me faire comprendre de toi. Grâce à une certaine diète d'ordre intellectuel, j'ai pu vaincre cet état de dépression qui est en voie de lente guérison du fait même de la diversion. En ta compagnie, j'essaierai inévitablement de tout rassembler pour te l'exposer. Nous parlerions raison et science, et tes découvertes biologiques si belles, si positives, et éveillerai au plus profond de moi-même un sentiment impersonnel de jalousie. En fin de compte, je passerai 5 jours entiers à me plaindre, et c'est dans un état de trouble et d'insatisfaction que j'aborderai l'été pendant lequel j'aurai sans doute bien besoin d'être maître de moi. Nul ne peut alléger mon fardeau. C'est ma croix. Il faut que je la porte. Et Dieu sait que mon dos s'en est bien courbé. C'était La Révolution psychanalytique par Marthe Robert, 7e et 8e épisode d'une série de 28 émissions, première diffusion sur France 3 Nationale les 26 janvier et 2 février 1963. Vous pouvez réécouter ou télécharger ces émissions sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.